L'actualité à Nancy et ailleurs. À Malzéville, la ville lance un cycle de rencontres gratuites pour imaginer l'avenir de la Douéra, un lieu emblématique du territoire. Les événements se tiennent d'avril à octobre 2026, avec une première date dès le 9 avril. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Irène Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe déléguée à la vie culturelle et festive. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est quoi la Douéra et quelle place elle occupe dans la vie des habitants de Malzéville ? Alors la Douéra, c'est vraiment un lieu emblématique qui se situe au cœur de la ville, tout près de l'hôtel de ville. Et c'est une maison très particulière puisqu'elle a un style mozarabe. C'est l'œuvre de Charles Cournot. Charles Cournot, il était peintre orientaliste. Et au milieu du 19e, il a souhaité modifier cette maison, qui était une maison lorraine assez classique, pour lui donner ce caractère oriental qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc on imagine bien qu'elle a une place importante pour les habitants de Malzéville. Tout à fait. Alors on y trouve beaucoup d'activités. Il y a la crèche municipale, la bibliothèque pour tous, l'école de musique. C'est une association qui donne des cours de musique au sein de la Douéra. Et puis il y a aussi un certain nombre d'expositions et de concerts, ce qui fait de la Douéra un lieu culturel très fort sur Malzéville, mais sur le Grand Nancy aussi. Pourquoi avoir choisi en 2026 de lancer cette réflexion sur l'avenir du lieu ? Alors on a souhaité en fait réfléchir à faire plus et à faire mieux, enfin à faire de la Douéra un espace plus vivant, plus ouvert et partagé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'activités qui se déroulent au sein de la Douéra. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mener deux réflexions ensemble. Tout d'abord, une réflexion autour de la rénovation du bâtiment. Ce bâtiment a été rénové il y a 30 ans. Il a besoin aujourd'hui d'un petit coup de frais, on va le dire comme ça. Mais on ne souhaitait pas engager cette rénovation sans s'interroger sur les usages du lieu. Et pour cela, on a, parce que c'est aussi l'ADN de notre projet politique, on souhaite associer les habitants à cette réflexion afin de répondre au mieux aux différents besoins. Donc cette réflexion, vous l'avez souhaitée la plus ouverte possible pour tous les publics. Et pour cela, donc, vous avez organisé différents temps forts dans l'année 2026. C'est ça. Alors ça commence dès ce jeudi 9 avril avec une projection débat du film Planète Buisson. On aura ensuite, au mois de mai, un atelier de fresques du patrimoine. En juin, un spectacle jeune public. Et le 10 septembre, une conférence gesticulée. Tous ces temps sont des temps culturels. Toute la population malzévilloise est invitée à venir y participer, soit pour profiter de ce temps culturel, mais il y aura aussi, après ces temps, des temps de réflexion pour imaginer ensemble la Douéra de demain. L'idée de ces temps culturels, c'est d'amener en fait une réflexion et de créer une vision commune pour la Douéra de demain. Alors pour revenir sur le premier rendez-vous, celui du 9 avril, c'est autour du Théâtre du Peuple de Buisson. Quel est le lien avec la Douéra ? Le lien, il est très important parce que à Buisson, la population locale est très impliquée dans toute la démarche artistique autour du théâtre de Buisson. Et c'est ça qui nous a intéressés. Notre idée n'est pas forcément de recréer un théâtre au sein de la Douéra, mais en tout cas d'impliquer la population dans les activités culturelles sur le territoire. C'est ça aussi notre démarche, c'est de proposer une politique culturelle et socioculturelle qui vise vraiment à être très ouverte et ancré dans le territoire. On a aussi une ambition forte en matière de participation citoyenne pour associer les habitants à la définition du projet, à la définition de la Douéra de demain, mais les impliquer aussi dans la vie de la Douéra et ce qu'elle sera demain. Vous l'avez dit, ce bâtiment, il a été rénové il y a 30 ans. Encore d'autres évolutions à venir ? Oui, d'autres évolutions à venir. Là, parallèlement à cette démarche culturelle, à ce programme culturel, on engage aussi un diagnostic du bâtiment avec une architecte qui s'appelle Aurélie Husson pour faire un état des lieux du bâtiment. Une rénovation est nécessaire parce que la précédente a eu lieu il y a 30 ans. Donc premier rendez-vous ce 9 avril, c'est à 18h30 à la Douéra, qui est bien sûr deux rues du Lion d'Or à Malzéville. Donc ce sera la projection débat Planète Buisson. On retrouve toutes les infos pratiques sur le site de la mairie. Oui, tout à fait. Sur le site de la mairie, on a toutes les informations. C'est gratuit, c'est sur réservation parce qu'il y a 60 places disponibles. Et vous l'avez dit, c'est à 18h30. Merci beaucoup, Irène Girard. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.